me tue. Je ne sais même qui je suis. Je rêve encore de toutes ces nuits de folie. Moi, je t'aime quoi que tu fasses, mais tu t'es pas.